En Corée, le nombre des macrobiens augmente toujours. Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le centenaire de naissance de Madame Lee Hyok-soo, habitant la 30e subdivision de la commune de Seomun, arrondissement de Chung, ville de Pyongyang.